Je m'en allais sur les chemins avec ma belle par la main. Je m'en allais sur les chemins avec ma belle par la main. C'était Hélène ou bien Élise, c'est loin, je ne sais plus très bien. C'était Hélène ou bien Élise, c'est moi, je ne sais plus très bien. Elle était jolie comme le jour, elle était belle comme l'amour. Elle était jolie comme le jour, elle était belle comme l'amour. J'ai dit Hélène ou bien Élise, vous serez à moi pour toujours. J'ai dit Hélène ou bien Élise, vous serez à moi pour toujours. Elle m'a répondu, cher amant, vous m'éprenez à l'instant. Elle m'a répondu, cher amant, vous m'éprenez à l'instant. Je suis ni Hélène ni Élise, et de partie intéressante. Je suis ni Hélène ni Élise, et de partie intéressante. Allons la belle, qu'avez-vous? Ne suis-je pas à votre goût? Allons la belle, qu'avez-vous? Ne suis-je pas à votre goût? Vous n'êtes ni Hélène ni Élise, mais pour vous me mets à genoux. Vous n'êtes ni Hélène ni Élise, mais pour vous me mets à genoux. Elle m'a répondu en courroux, ne vous prendrez pas pour époux. Elle m'a répondu en courroux, ne vous prendrez pas pour époux. Je suis ni Hélène ni Élise, et vous êtes laid comme un fou. Je suis ni Hélène ni Élise, et vous êtes laid comme un fou. Alors la belle, vous m'insultez, la moutarde me montonnez. Alors la belle, vous m'insultez, la moutarde me montonnez. Vous n'êtes ni Hélène, Élise, mais ma foi là, vous m'irritez. Vous n'êtes ni Hélène, Élise, mais ma foi là, vous m'irritez. Je l'ai jeté de la falaise et l'ai noyé, j'en suis bien aise. Je l'ai jeté de la falaise et l'ai noyé, j'en suis bien aise. Car si je suis laid comme un bout, en tout cas je suis très balèze. Car si je suis laid comme un bout, en tout cas je suis très balèze.